Corina. Moi qu'a mangé tout ma Corina. Moi qu'a pêché tout ma Corina. Moi qu'a sauté tout ma Corina. Toc toc toc toc Corina. Toc toc toc toc toc Corina. Si moi en l'air loin Corina. Si tu es moi en j'ai pas loin Corina. On te coupe et dit Corina. Quand tu es au soir Corina. Et dingue ma tout cata Mayol.